أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله serviteur d'Allah. Quiconque lit les lois de l'islam avec lesquelles est venu notre prophète, que le salut et la bénédiction soient sur lui, en entier ou en détail, comprend que le but général des lois est la sauvegarde de l'organisation de la communauté et de sa vie, la continuité de sa bonne conduite et de sa droiture, en commençant par une bonne croyance et de bonnes actions, puis en finissant par la bonne situation et le bien dans les affaires des gens, quel que soit leur genre ou leur diversité, dans une organisation complète pour acquérir ce qui est bon et l'augmenter, ainsi que repousser le mal et le diminuer. Allah le Très-Haut montre un aspect des aspects de l'importance attachée aux droits des serviteurs dans deux endroits de son livre en disant « Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens entre vous à tort. » Le prophète lui aussi a dit « Il est interdit de prendre l'argent d'un musulman, sauf s'il est d'accord. » Serviteur d'Allah, parmi les droits des serviteurs dont l'islam a fondé les bases, a organisé les règles et lui a donné des principes ainsi que des assurances qui la complètent, l'affaire des dettes. L'affaire des dettes qui sont particulières aux hommes. En effet, l'islam avertit contre le fait de ne pas rembourser les dettes, ou le retard dans le remboursement, ou encore pire, penser que ce n'est pas un problème de ne pas rembourser les dettes. La dette, mes frères, la dette due à un homme dans l'islam est un grand dépôt et une grande responsabilité. Allah le Très-Haut dit, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit, et si vous arbitrez entre les gens, d'arbitrer avec justice. Notre prophète dit à ce sujet, celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en décharge, car après, il n'y aura plus de dinars ni de dirhams. Avant qu'on ne prenne ses bonnes actions pour les donner à son frère, et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra les péchés de son frère et on le lui donnera. Serviteur d'Allah, l'islam a donné une grande importance à la dette due à quelqu'un, à un tel point qu'il l'a exclu des choses qui sont la cause des pardons des péchés. Le prophète a dit à ce sujet, tous les péchés du martyr lui sont pardonnés, sauf les dettes. À ce sujet, mes frères, notre prophète ne faisait pas ou ne priait pas sur le mort qui avait des dettes. Jabir, que Dieu l'agréa, dit, un homme parmi nous mourut. Après que nous l'ayons lavé, parfumé et mis dans son linceul, nous allâmes voir le prophète et nous dîmes, est-ce que tu pries sur lui? Il avança puis dit, a-t-il des dettes? Nous dîmes 2 dinars. Alors il partit. Abu Qatada prit la charge de payer cette dette. Nous allâmes le voir, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Qatada dit, je vais payer les 2 dinars. Le prophète dit alors, le créancier a eu son droit et le mort n'est plus endetté. Il dit aussi, oui. Abu Qatada dit oui, c'est-à-dire qu'il accepta de prendre cette dette à sa charge. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière sur lui. Serviteur d'Allah, après ses instructions d'Allah et ses conseils prophétiques en ce qui concerne les dettes, voyons la mise en pratique. Elle demande, mes frères, la bienfaisance, la miséricorde, la compassion, ainsi que la facilité et la souplesse. Le serviteur ne doit prendre des dettes que s'il en a vraiment besoin. Vous ne devez prendre des dettes que s'il en avait besoin, avec de bonnes intentions, avec la ferme volonté sincère de rembourser les dettes. Et il ne doit pas avoir de mauvaises intentions ou cacher un mauvais but. Le prophète dit à ce sujet, quiconque prend l'argent des gens en voulant le rembourser, Allah le remboursera pour lui. Et quiconque le prend avec l'intention de le gaspiller, Allah le gaspillera. Les gens de la science ont dit, le fait qu'Allah va rembourser sa dette pour lui veut dire qu'il va lui faciliter le remboursement dans le monde, dans ce monde-ci. Et aussi qu'il remboursera sa dette dans l'autre monde. Et ceci en satisfaisant son créancier avec ce qu'Allah voudra si le serviteur ne peut pas le rembourser. Par contre, mes frères, par contre, celui qui prend une dette chez quelqu'un en ayant l'intention de ne pas le rembourser et de nuire à cette personne, alors il s'expose au châtiment d'Allah. Et ceci, en voyant sa vie devenir difficile, la difficulté s'abattra sur tout ce qu'il entreprend, sans compter le châtiment qu'il recevra le jour du jugement. Mes frères, il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas oublier le fait de faciliter à ceux qui sont dans la difficulté de rembourser, de savoir parfois pardonner et rendre les choses faciles aux pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Allah le Très-Haut dit à ce sujet, s'il est dans la gêne, donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs. La gêne, mes frères, ici signifie la situation difficile en ce qui concerne l'argent. Serviteur d'Allah, le fait de faciliter à celui qui est dans une situation difficile a un grand mérite et une grande récompense. Selon Abu Huraira, le prophète a dit, celui qui facilite à quelqu'un dans une situation difficile, Allah lui facilitera dans le monde, dans ce monde et dans l'autre monde. Et selon le hadith d'Abu Qatada, le prophète a dit, Celui qui souhaite qu'Allah le sauve des tourments du jour du jugement, qu'il facilite à quelqu'un qui est dans une situation difficile ou qu'il lui pardonne. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته. آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. ولا دينا إلا قضيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا محتاجا إلا رزقته. ولا ضالا إلا هديته. ولا مسافرا إلا بلغته. ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا. واصلح بنا واصلح أزواجنا وأولادنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.